qui arrive pour... Je suis très d'accord. Je trouve votre segment très, très, très intéressant. Très intéressant. Parce que je vais s'entrer dans la vie privée de Denis Julien, ton conjoint. Je pense que Denis en fait des arts Denis martiaux. Denis Ceinture-Noire en karaté, oui. Ouais. Puis notre fille Julie, ça ne me dérange pas d'aller personnel, mais notre fille Julie, elle en faisait aussi avec lui. C'était tellement cute de les voir partir toutes les deux. Lui était prof, puis elle s'est rendue, je pense, à la ceinture verte. Puis oui, elle s'est fait intimider parce que dans le temps, c'était la mode des grandes, grandes lunettes. Vous savez, les grandes, les grosses lunettes. Puis c'était à la mode, mais les petits garçons à l'école la taquinaient. Et puis, c'est ça. Donc, elle se faisait intimider, pauvre chouette. Sauf qu'à un moment donné, le petit gars s'en est pris à elle. Et physiquement, dans la cour d'école. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Et donc, elle a sorti un beau mawashi. Un mawashi, c'est un coupé en rond. Et oui, monsieur. Puis, quand il est revenu à la maison, le petit Denis a parlé de ça à Denis. La seule question de Denis, c'était, c'est qui a commencé? C'est lui. C'est parfait, ma fille. Tu t'es défendue. C'est ça. Autodéfense. Autodéfense. Écoute, tu te laisses pas intimider. That's it. Tu te fais traiter dans la vie comme tu veux te faire traiter. Ça, là, c'est une règle, là. Si tu te fais intimider, c'est parce que tu veux te faire intimider. À quelque part, dégage, oui, de la confiance. Mais à quelque part, c'est un groupe d'amis, je trouve ça excellent comme. Oui, mais c'est parce qu'avec ce que tu viens de dire, Joanne, il y a peut-être des gens qui vont prendre ça hors contexte. Si tu veux te faire intimider, tu cours après ça. Faut juste faire attention dans le contexte de Marjorie. Tu sais, s'il y a des choses, par contre, qui arrivent sur Internet et tout ça, les parents doivent réagir, porter des plaintes, réagir. Oui, mais ce qu'on dit, c'est qu'au plan individuel, vous pouvez équiper votre enfant. Absolument. Pour se défendre dans la vie. Tu ne dois pas choisir d'être une victime, tiens, je vais le dire comme ça. Tu ne dois pas choisir d'être une victime. Faut réagir. Tu dois développer un sens de, je veux dire, t'as des talents, t'as quelque chose à développer, t'as quelque chose à donner au monde, t'as quelque chose, t'as une force à l'intérieur de toi. Dégage ça, redonne autour de toi, puis tu vas attirer d'autres sentiments que celui d'être facile à victimiser. C'est comme quand un enfant te mord. Quand un enfant te mord. T'as beau lui dire, hey, c'est pas beau ça de mordre comme ça, ton petit compagnon, ton petit ami, c'est pas gentil, ta. Si tu mets tes dents, puis sans le blesser, là. Ouais. Mais si tu y fais sentir la souffrance qu'il cause chez l'autre, là. Là, il va pleurer puis il va comprendre. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. C'est pas que, en tout cas, bref, moi, je suis pas une bonne personne pour parler d'éducation, là, mais pas vraiment parce que moi, ça s'appelle, Une tiger mom? Est-ce une tiger mom? Je sais pas c'est quoi une tiger mom. Ben, c'est comme, les chinoises qui, il y a eu un livre, ça a été publié, ça, en début d'année. Je sais pas c'est quoi, ouais. C'est rough love, tough love, là. Okay. Ah, moi, je suis tough love. Ouais. Ah, oui, ça passe par là. Tu comprends pas, tu vas comprendre. Oui. Écoute, t'as pas de temps à perdre. Tu sais, l'enfant, faut qu'il s'épanouisse, faut qu'il trouve ses talents. Tu te prépares à la vie. Oui, écoute, là. Tu te prépares à la vie. Hey, dernier extrait. Dernier extrait.